Enseignement par le vénérable Sayadaw Upanasamy, retraite de méditation Vipassana, centre d'Amarantsi. Yesterday, we talked about the that nowhere true. Today, we will talk about the last or the fourth nowhere true and conclusion of the four nowhere truths. Hier, je vous ai parlé de la troisième noble vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la quatrième et dernière noble vérité. Quelle est la quatrième noble vérité? C'est la noble vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance. Qu'est-ce que le chemin? C'est tout simplement le noble octuple sentier. Nous en avons déjà parlé précédemment. Nous avons parlé de la voie du milieu, du chemin du milieu, de la pratique du milieu. Mais je voudrais vous rappeler ce dont il a été question à propos des nobles vérités, et je vais donc commencer cet enseignement par l'exemple de la maladie et de son traitement. On dit qu'il y a une maladie et qu'il y a une cause pour la maladie. Nous savons quelle est la cause de notre maladie. Nous savons qu'il y a un remède pour soigner cette maladie, et ce sera l'extinction de la souffrance. Que devons-nous faire pour soigner cette maladie? Quel est le remède que nous devrons prendre? Le médecin nous donne un remède qui comprend 8 ingrédients très puissants. Ce remède, c'est le noble octuple sentier. La quatrième noble vérité, c'est tout simplement le noble octuple sentier que le Bouddha a découvert, qu'il a pratiqué et dont il a obtenu les meilleurs résultats en devenant un Bouddha. Ce chemin comprend donc 8 facteurs: la compréhension juste, la pensée juste, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste, la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence justes. Do you remember the novel Eightfold Path in Pali? Est-ce que vous vous souvenez de ces 8 facteurs en Pali? Samadhi. Samadhi. Okay, go on. Okay, say Samadhi. Samasankappa. Samavacca. Sama-ajiwa, sama-vajja, sama-gamanda, sama-ajiwa, sama-vayama, sama-sati, sama-samadhi. Please say again. Samadhi. Samasankappa. Samavacca. Samagamanda. Samajiva. Samavayama. Samasati. Samasamadhi. I hope you can recognize. No, you can memorize next year I will ask you, okay, huh? Je vous ai déjà expliqué que lorsque l'on parle du chemin, on veut dire du chemin qui mène avec certitude à Nibbana. Donc la quatrième noble vérité, c'est le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, et il ne peut s'obtenir vraiment qu'au moment de l'illumination. Au moment de l'illumination, la personne est certaine d'avoir atteint Nibbana. La quatrième noble vérité, qui est donc la noble vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance, appartient au moment de l'illumination. Il y a 4 stades d'illumination. Ces 8 facteurs vont se manifester de façon parfaite au moment d'illumination et vont avoir pour fonction de détruire toutes les impuretés mentales d'un seul coup et de prendre Nibbana comme objet. Ceci, c'est le véritable chemin. Même si le véritable chemin coïncide en fait avec le moment de l'illumination, ce véritable chemin est le résultat de quelque chose qui a précédé ce moment de l'illumination. Le moment de l'illumination ne dure qu'un instant, un instant extrêmement court. Donc, comment serait-il possible de développer les 8 facteurs de l'octuple sentier à ce moment? En fait, ces 8 facteurs ont déjà atteint leur maturité au moment de l'illumination. Et pour qu'ils aient pu atteindre leur pleine maturité, il a fallu les développer avant cette échéance. Pour atteindre ce stade, il faut que nous développions certaines choses au préalable. Je pense que je vous ai déjà parlé de ceci. La première chose à faire pour pouvoir développer le chemin, c'est d'avoir la compréhension juste du kama et de ses résultats. Nous devons ensuite nous purifier au niveau de la conduite morale, de la conduite éthique, en nous abstenant de tuer, etc. On dit parfois que pour pouvoir pratiquer la méditation vipassana, il est nécessaire d'avoir certaines connaissances. Vous devez connaître par exemple les 5 agrégats, les 12 bases, les 18 éléments, les 20 facultés, les 4 nobles vérités, Nama et Rupa. Vous devez également connaître l'enseignement sur les origines interdépendantes, etc. Si vous ne savez rien de tout cela, certaines personnes disent qu'il n'est pas possible de pratiquer Vipassana. Mais le vénérable Mahasi Sayadaw nous dit « Ce dont les gens ont besoin avant de pratiquer ce chemin, c'est une certaine connaissance livresque ou bien, par ouï dire, de l'enseignement du Bouddha à propos des 5 agrégats. Ils doivent savoir que les 5 agrégats sont impermanents, qu'ils sont souffrance, qu'ils sont insubstantiels. Vous devez donc avoir entendu parler de cela. Ceci ne veut pas dire que vous deviez y croire ou être sûr que c'est la vérité. Il suffit d'en avoir entendu parler, d'avoir entendu que le Bouddha annonce que toutes choses sont impermanentes, souffrances et insubstantielles. Ceci suffit. C'est la connaissance qu'il vous faut avant de vous lancer dans la pratique, une connaissance livresque, une connaissance de seconde main. Vous devez également avoir entendu parler des 4 nobles vérités. La première noble vérité, c'est la noble vérité de la souffrance. La seconde, c'est la noble vérité de la cause de la souffrance. La troisième, c'est la noble vérité de la cessation de la souffrance. La quatrième, c'est la noble vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Lorsque vous pratiquez la méditation vipassana, vous êtes occupé avec les 2 premières nobles vérités, la noble vérité de la souffrance et la noble vérité de l'origine de la souffrance. Vous pratiquez donc la méditation vipassana et vous observez tous les phénomènes physiques et mentaux. Que sont ces phénomènes physiques et mentaux? Ils ne sont rien d'autre que dukkha. Vous observez donc la première noble vérité. Au moment où vous observez ainsi et que vous pratiquez vipassana, vous éradiquez la soif ou le désir. Vous éradiquez ainsi la deuxième noble vérité. En ce qui concerne la troisième et la quatrième noble vérité, il n'est pas possible qu'elles soient présentes lorsque vous pratiquez la méditation vipassana. Ce n'est qu'au moment de l'illumination que vous les expérimentez vraiment, que vous les voyez clairement. Donc c'est tout ce que vous devriez savoir avant de vous lancer dans la pratique. Lorsque vous pratiquez la méditation vipassana, vous travaillez avec les 2 premières nobles vérités. Les 2 dernières nobles vérités sont excellentes et elles doivent être réalisées. Vous devriez donc incliner votre esprit vers la réalisation de la 3e noble vérité par le développement de la 4e. cette connaissance suffit pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la méditation vipassana. Lorsque vous pratiquez la méditation vipassana et que vous en êtes au début, vous aurez des difficultés avec votre esprit, avec les pensées, avec les distractions. Donc, au début, votre concentration ne sera pas bonne. Vous essayez de la développer. Au cours de cette première phase de la méditation, il est possible que la compréhension juste ne soit pas encore en vous. La compréhension juste, cela veut dire voir correctement l'esprit et la matière comme des phénomènes qui apparaissent et disparaissent, des phénomènes impermanents, etc. Au tout début de la pratique, ce facteur de la compréhension juste ne sera donc pas présent en vous. Les autres facteurs, effort juste, attention juste, concentration juste, pensée juste, fonctionnent ensemble. La pensée juste, cela veut dire diriger l'esprit vers l'objet. Ces facteurs fonctionnent ensemble lorsqu'on pratique la méditation vipassana. Lorsque vous commencez à voir clairement l'esprit et la matière, lorsque vous commencez à voir la relation de cause à effet entre ces phénomènes, lorsque vous voyez les apparitions et disparitions, l'impermanence des choses, le facteur de la compréhension juste va se manifester. Lorsque vous atteignez le stade où vous voyez clairement l'esprit et la matière, etc., ces cinq facteurs vont travailler de façon harmonieuse et correctement. Ils feront chacun leur fonction. Lorsque ces facteurs fonctionnent ensemble, en harmonie, la méditation est bonne. Votre concentration est développée et les connaissances vipassana vont se manifester les unes après les autres. Lorsque ces facultés ne fonctionnent pas bien, que l'une d'entre elles est plus développée que les autres, la méditation ne sera pas bonne. Parfois, votre concentration faiblit. Ce qui est important, c'est l'effort et la concentration. Ces deux facteurs doivent être maintenus en équilibre pendant la méditation. Trop d'effort va amener l'agitation et vous allez perdre votre concentration. Trop de concentration va amener la somnolence. Si vous êtes trop concentré, vous allez devenir somnolent ou bien paresseux. Lorsqu'on a trop de concentration, on ne doit plus faire autant d'efforts. Si vous diminuez l'effort et que cet effort devient insuffisant, la paresse va s'infiltrer, la somnolence. Ces deux facteurs doivent donc être maintenus en équilibre lorsqu'on pratique la méditation vipassana. On appelle cela maintenir en équilibre les facultés. Donc, vous allez progressivement développer votre pratique de la méditation au fur et à mesure que vous franchissez les étapes. Lorsque la méditation vipassana aura atteint sa pleine maturité, le moment de l'illumination va se produire. Au moment de l'illumination, les 8 facteurs que vous avez développés progressivement seront devenus très puissants. Comme un éclair de lumière, ils vont détruire les impuretés mentales d'un seul coup, au moment précis de l'illumination. Et en même temps, ils vont prendre Nibbana comme objet. C'est ainsi que se développe le chemin. Le Bouddha a pénétré et découvert ces 4 nobles vérités lorsqu'il pratiquait la méditation sous l'arbre de la Bodhi il y a 2500 ans. Il a ensuite enseigné ces 4 nobles vérités à ses 5 disciples dans son premier sermon. Et toute sa vie, il n'a jamais enseigné que cela. Tous ces enseignements se ramènent à ces 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités sont donc un sujet très important que les bouddhistes doivent connaître, de même que tous ceux qui sont intéressés par le bouddhisme et tous ceux qui veulent réellement s'engager dans la pratique de Vipassana. Parce que lorsque vous pratiquez la méditation Vipassana, vous allez expérimenter ces quatre nobles vérités dans une certaine mesure. Je voudrais maintenant parler du traitement que nous devons réserver à ces quatre nobles vérités. Comment devons-nous traiter ces vérités? La première noble vérité doit être comprise. Elle doit être comprise à fond, parfaitement. Ceci veut dire que la première noble vérité ne doit pas être éradiquée, elle ne doit pas être réalisée, elle ne doit pas être développée. Elle doit simplement être comprise à fond. Pour comprendre à fond, il faudra comprendre par la pratique de la méditation Vipassana, et également par l'atteinte de l'illumination. La deuxième noble vérité, il faudra l'abandonner. C'est ainsi qu'elle doit être traitée. Si nous voulons nous débarrasser de la souffrance, nous devons éradiquer le désir, nous devons l'abandonner. Donc, ce qu'il faut faire par rapport à la deuxième noble vérité, c'est de l'abandonner, la détruire, l'éradiquer. Même si on parle de noble vérité, nous ne devons pas l'aimer, nous ne devons pas la maintenir en nous, nous devons l'abandonner. Donc, ces vérités ne doivent pas toutes être gardées. Pour ce qui est de la deuxième noble vérité, le désir, ce qu'il faut faire, c'est l'abandonner. Nous devons essayer de pratiquer la voie qui va nous permettre de l'abandonner. En ce qui concerne la troisième noble vérité, la cessation de la souffrance, elle doit être réalisée, elle doit être rendue réelle. Cette vérité ne doit pas être comprise, elle ne doit pas être éradiquée, elle ne doit pas être développée, mais elle doit être réalisée. Donc, pour ce qui est de la troisième noble vérité, le traitement que nous devons lui appliquer, c'est de la réaliser, de rendre cette cessation ou éradication des impuretés mentales réelle. La réalisation de la cessation des impuretés mentales ou la cessation du désir sera accomplie au moment de l'illumination et tout particulièrement au moment du quatrième stade d'illumination. Donc, le traitement qu'il faut réserver à la troisième noble vérité, c'est de la réaliser, de la rendre réelle. La quatrième noble vérité doit être développée, elle doit être pratiquée. Si nous ne pratiquons pas, nous ne pourrons pas réaliser la troisième noble vérité. Donc, la quatrième noble vérité ne doit pas être comprise, elle ne doit pas être abandonnée, elle ne doit pas être réalisée, elle doit simplement être développée. Le traitement qu'il faut réserver à la quatrième noble vérité est de la pratiquer. Comme la quatrième noble vérité comprend à la fois le chemin préliminaire et le chemin supramondain, nous allons commencer par le chemin préliminaire qui est la méditation Vipassana. Lorsqu'on pratique la méditation Vipassana, on chemine sur la quatrième noble vérité. Lorsque la méditation Vipassana aura atteint sa pleine maturité, elle va faire apparaître le vrai chemin. En fait, le vrai chemin ou l'illumination est le résultat de la pratique de Vipassana. Pour ce qui est donc de la quatrième noble vérité, ce qu'il faut faire, c'est la développer, la faire grandir. Donc, en résumé, le traitement qu'il faut réserver à ces quatre nobles vérités sont les suivants. La première noble vérité doit être comprise. La deuxième noble vérité doit être abandonnée. La troisième noble vérité doit être réalisée. La quatrième noble vérité doit être développée. Pratiquer. Dans le Dhammapada, le Bouddha nous dit « De tous les chemins, l'octuple sentier est le meilleur. De toutes les vérités, les quatre nobles vérités sont les meilleures. Il y a toutes sortes de vérités dans le monde, des vérités conventionnelles, la vérité ultime, des paroles qui sont parfois sincères, les quatre nobles vérités. Le Bouddha nous dit que parmi toutes ces vérités, les meilleures sont les quatre nobles vérités. Ce n'est qu'en réalisant les quatre nobles vérités que l'on pourra mettre fin à la souffrance. Le Bouddha a découvert ces quatre nobles vérités. Le Bouddha n'était pas un créateur des quatre nobles vérités. Elles étaient déjà là à découvrir. C'est comme la loi de la gravitation. Ce n'est pas M. Isaac Newton qui a découvert la loi de gravitation. Cette loi était déjà là dès le début du monde. Newton est arrivé et il l'a découverte. De la même façon, le Bouddha n'a pas créé ces quatre nobles vérités. Elles étaient là et il fallait les découvrir. Le Bouddha est arrivé, il les a découvertes et les a révélées au monde. Le chemin vers la fin de la souffrance pourra parfois prendre un très grand nombre de vies, et chacune de ces renaissances individuelles est tributaire du karma. L'avidité, l'ignorance, l'illusion et tous ces effets vont progressivement diminuer au fur et à mesure des progrès sur le chemin. So, by paying attention or listening to the talk in the Four Noble Truths, may you all be able to practice Vipassana meditation or go along the Fourth Noble Truth so that we carry out the Second Noble Truth and fully understand the First Noble Truth and fully realize the Third Noble Truth, which is the cessation of craving or the extinction of all suffering. Sadhu, sadhu.